On m'a dit qu'il y avait quelqu'un qui était en ligne qui voulait me parler. Bon, on me disait dans les écouteurs qu'il s'agit de quelqu'un qui a fait la manchette des journaux. On va aller rejoindre cette personne-là qui est au centre de détention de Rivière-des-Prairies. Monsieur, bonjour. Alors, Monsieur, bonjour. oui, bonjour. Votre nom, s'il vous plaît. Richard Henry Bain, Richard-Henri Bain. Il a connu une fulgurante ascension en 2012 et devrait poursuivre sur sa lancée en 2013 et se rendre, on l'espère, au zénith du succès. Voici votre animateur, Jean-Philippe Beausier. Hey, bonsoir tout le monde, merci d'être ici. Il est à peine 19h, la soirée est encore jeune, ce qui va nous donner amplement le temps de se remettre de notre jour de l'an. Bonne année tout le monde, bonne année Fred Savard. Bonsoir. Bonsoir. D'ailleurs, j'aimerais profiter de ce moment pour remercier tous les auditeurs et tous les spectateurs qui sont venus assister, qui ont écouté notre spécial du 31 décembre. Hein? On a eu du fun, mesdames et messieurs, et qu'on a eu du fun. On a ri, on a ri, on a ri. Oui, ça va. Mais il n'y a pas juste du positif, Jean-Philippe, parce qu'on a reçu beaucoup de critiques. Hein? Ah non, c'est vrai. Ouais, c'est oui, vrai. On a beaucoup critiqué nos maquillages qui n'étaient pas beaux, il paraît. Oui, ben, c'est sûr que c'était pas le bye-bye. Hein? Mais en même temps, nous autres, on avait des punchs, puis les gens riaient. Ah, ouais. Chacun son métier. Chacun son métier. Puis, tu sais, on n'a pas. Enfin. Il y a certaines personnes aussi qui ont critiqué le fait que nous n'avions aucune femme comme invitée en studio. Ben oui. Et c'est vrai. Ben oui, on nous a même traité de misogynes. C'est Louise Arel qui a dit ça. Ben oui. Et enfin. Ça, c'est complètement faux, mesdames et messieurs. Nous ne sommes pas des misogynes. Non. Premièrement, Fred Savard adore les femmes. Mais ça! Hein? Ben oui! Gars! Il y en avait une couple de papiers dans l'assistance quand on a enregistré l'émission. Ça, hein? C'est on vrai. On n'a pas participé. Gars, franchement, il faut savoir aussi une autre chose, là. C'est qu'on en a fait des demandes pour recevoir des femmes qui ont fait l'actualité. Oui. Hein? C'est tout. Et elles ont toutes refusé de venir. Et voilà. Puis une femme qui vient pas, ben c'est plat. Oh! Aïe, aïe! Après ça, vous pouvez pas dire qu'on est misogyne. Voyons donc! On fait des blagues, ces femmes! Voyons donc! On nous a aussi accusés de ne pas avoir d'invités du Parti libéral du Québec. Oui. Hein? Et ça, c'est Christine Saint-Pierre qui nous a dit ça sur Twitter. Ouais. Mais c'est pas une critique, ça. Mais non! Mais non, c'est un compliment, ben ça! Oui, ben oui, c'est pas mal fun! Bah! Hey, ça l'a dit, gros début d'année dans l'actualité. On se le cachera pas, hein? Et pas que des mauvaises nouvelles. Premièrement, eh ben, la fin du lockout dans la Ligue nationale de hockey. Oui. C'est une extraordinaire nouvelle, hein? Je me souviens même plus comment ça joue, c'est pas vrai? Mais je pense que c'est un ballon avec des gourdes. Un ballon avec des gourdes? Il semble qu'il pitche des gourdes. Ah, c'est ça, il pitche des gourdes. J'ai hâte, j'ai hâte. Non, non, mais je vous le dis, les bonnes nouvelles pleuvent. On a appris récemment que Régis Labeaume était le 4e meilleur maire au monde. C'est quand même juste une 4e place. Là. Moi, je trouve qu'il se contente de peu. Ben, frère, première chose, c'est un podium. Okay? Presque. C'est presque, ouais, presque un podium. Puis on le sait, pour Régis, l'impodium, ben, ça y permet de nous regarder dans les yeux. Tu sais? Hein? Bon, parlant de personnages de bande dessinée, il y a Gérard Depardieu. Gérard Depardieu qui a reçu son passeport russe et un poste de ministre cette semaine, quand même. Ah ouais, hein? Ministre de quoi? Du jambon? Ah, non, ministre de l'urine. Hey boy, ah ouais. J'aimerais pas être son sous-ministre. Qu'êtes-vous pas? Non, mais inquiétez-vous pas, c'est un poste honorifique seulement, évidemment. Et là, il est en Russie, pas pour des raisons financières, comme plusieurs l'ont supposé, mais en fait pour finaliser un projet de film sur la vie et l'histoire de DSK, Dominique Strauss-Kahn. Attends, Depardieu va jouer le rôle de DSK? Oui. Ah, il va réussir à nous le rendre sympathique, faut ben le oui, faire. Ben oui, ben oui. En tout cas, la Russie, visiblement, c'est le paradis des has-beens. Ah oui, c'est ça, vrai. Vu, ben Brigitte Bardot là, qui a menacé de s'exiler avec les éléphantes. Oui, oui, oui. Sans oublier Lara Fabian et oui. Bruno Pelletier qui pognent bien gros là-bas. Hein. Ah oui, ah ouais, c'est d'après moi, Annick Jean, on est en train de faire ses valises. Je pense pour être un has-been, il faut avoir été bin. Ah, ouais, ouais. Il manque, cette bout-là. Enfin. Sinon, ben, il y a le printemps érable hein, qu'on a eu au Québec et qui est en train de se transformer en printemps indien partout au Canada si la tendance se maintient. Ah, ouais, j'espère que ça va être plus long qu'un été quand même. Oui, oui, ben, peut-être. C'est sûr, franchement, Fred. Mais écoute, regarde, le mouvement Idle No More, il prend d'ampleur de plus en plus. Hein. Même si la firme Deloitte, qui était mandatée par le gouvernement, a trouvé des irrégularités dans la gestion des fonds publics. Ah oui, Deloitte a enquêté sur les F-35, finalement. Mais non. Sur les subventions versées aux communautés autochtones, hein, soit 90 millions en 6 ans, et on ne trouve pas les factures de 90 ça. Millions, ouais. Ouais, c'est le prix d'un arrière-train d'un F-35, ça. Peut-être, Fred, mais une flèche, ça fait pas mal moins mal qu'un missile dans l'avion. C'est ça comme ça. Parlant d'un sujet qui n'intéresse personne, il y a Jean-Martin Hossan qui... qui a annoncé qu'il déménageait à Montréal. Fait que c'est ça. Je me doutais pas que... Enfin, c'est bizarre, hein? C'est bizarre quand même que le gars ait pas reçu un passeport russe ou au moins une maison en Mordovie, ben quelque oui, chose comme ça. Probablement qu'il est plus connu là-bas qu'ici. Ben, c'est bien sûr. Ben ça oui. va venir, ça va oui. venir. Autre grosse nouvelle, ben, il y a l'Impact qui a nommé son nouvel entraîneur, hein? Un Suisse. Mm-hmm. Mais bon, en même temps, ils ont fait ça le lendemain de l'annonce de la fin du lockout, fait que c'est pas... Excellent timing, ouais, en ouais. direct pendant l'éclipse médiatique. Ouais, faut quand même pas exagérer, on n'en aurait pas parlé anyway. Ah ouais, ouais, ouais, ouais. Sauf à C'est bien meilleur le matin pendant 20 minutes à l'heure de pointe, mais ça... On a appris que l'entraîneur aimait Montréal. Ah ouais? Ah, écoute, c'est... Il aime? Il aime Montréal. Ah, bon, on a assez hâte de l'accueillir. On va aller voir ça. Et Colin. Mais une chose dont on parle beaucoup, hein, c'est la pandémie de monde qui ont la grippe et qui vont aux urgences au lieu de se soigner en mangeant du bouillon de poulet. Ben ouais, qu'est-ce que Bernard Drinville attend pour passer une loi pour interdire les microbes de changer de parti? Ça, c'est vrai, Fred. mais au moins, on a deux invités ce soir, hein, qui sont presque aussi bien placés que Bernard pour nous parler de virus. On a d'abord le ministre de la Santé, Régent Hébert, hein, et on a également le docteur Alain Vadeboncœur, l'animateur de l'émission Les Docteurs, ici à Radio-Canada. Hey, deux docteurs dans nos studios! C'est trois fois plus qu'au CHUM, ça! Mais oui! on va en profiter! Mais de toute façon, ils ont le temps d'y retourner au CHUM parce que la soirée est encore jeune! Hey, voulez-vous que je vous dise quelque chose? Je bois dans la bouteille d'eau d'un autre depuis tantôt et je capote. D'un coup, je poigne la grippe. C'est la mienne. Pour vrai? Oui. Avez-vous la grippe? Non. OK. Ben merci d'être à l'écoute de la soirée. Et encore jeune, Olivier Niquette, bonne année. Hey, bonne année. Est-ce que ça existe encore, les internets, en 2013? Ben oui, les gens peuvent nous suivre au twitter.com/lasoirée, facebook.com/lasoirée, hein? Encore jeune, et sur notre site radio-canada.ca/lasoirée, où ils pourront revoir notre émission de fin d'année en vidéo. Oui. Et ça vaut la peine, j'avais mis un beau nœud papillon. C'est vrai? Oui. Ah, vous deviez être beau. Popé. Ah non, j'étais là. Vous étiez beau. Ouais. Vous étiez très beau. Ah non, mais grosse semaine d'actualité. Hein. Grosse semaine d'actualité. Tellement qu'on n'a pas eu le temps de parler des 12 épaulards prisonniers des glaces qui ont été libérés. Maudit système de justice de merde, ça va venir tuer nos petits blanchons dans nos rues. Ben ouais, maudit. Libérés. Ah ben ouais, ils ont été libérés probablement qu'ils n'étaient pas aptes à recevoir un procès. Maudit. Comme vous le savez, Marc Hervieux a fait une sortie en règle contre les affiches de l'Opéra de Montréal qui montraient des mannequins. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Faut dire que Marc Hervieux n'a pas beaucoup de visibilité, hein, à part dans toutes les émissions de Radio-Canada. Ouais. Mais une chose est certaine, l'opéra est un genre qui aurait besoin d'être rajeuni afin d'attirer une nouvelle clientèle. Hein, et c'est ce qui nous a inspiré notre palmarès hebdomadaire. Alors, voici cinq opéras qui pourraient ramener les foules dans les salles. En cinquième position, Le Barbier de Masson. C'est l'histoire de Ménic, le barbier des sportifs, qui chante tous les potins des joueurs de hockey des 50 dernières années. Ça va être bon, ça? Il paraît que c'est une coche au-dessus du Barbier de Séville. Ouais, mais il paraît qu'il fausse. Ben, ça, c'est ça qui est dément. En quatrième position, le Rigoletto. C'est l'histoire d'un fou du roi qui s'appelle Dane Turcotti, mais qui, lui, est vraiment Rigoletto. Ah! Est-ce qu'il meurt à la fin? Paraît-il, c'est le bout de rigolo. En troisième position, le Vaisseau fantôme. C'est l'épopée de l'îlot voyageur en 10 airs connus. Ah! Il paraît que c'est bien bon, mais les tunes sont pas finies. Voilà, il y en a qui manquent la musique, il y en a qui manquent les paroles. C'est ça. Mais ils mettent une toile par-dessus, ouais. Ça a de l'air de la tune. C'est tellement bien fait. Ça, je me fais pogner à chaque fois que je passe devant l'îlot voyageur. Ah, ouais, hein. Ah, ils l'ont fini. Ouais. Mais non, c'est du tissu. C'est de la jute. Mais ouais. Pas grave, ça paraît bien. Ouais. Moi, je mettrais ça partout, c'est vrai à Montréal. Jute, c'est original. C'est une belle toile d'asphalte là, pour faire penser que c'est de l'asphalte. Bon, en deuxième position, Don Giovanni. Hein? C'est l'histoire d'une serveuse qui sert juste de la sauce aux tomates. C'est pas Starmania, ça? La sauce aux tomates. Ah! Aux tomates, la sauce! Okay. Mais elle était bonne. Serveuse aux tomates, elle est bonne, fallait y penser. Et en première position... Non. En première position, la flûte enchantée. C'est l'histoire d'un représentant québécois qui fait les 400 coups à New York et qui boit du champagne dans des flûtes. Ah, okay. Hey, franchement. J'ai eu peur. Quand est-ce qu'on va recevoir cette poursuite-là? Ben, on travaille fort, on lance des balles, puis bon. Notre premier invité, Fred. Pionnier de la gériatrie au Québec, notre premier invité a également été chercheur, professeur et même philosophe de la médecine. Ne lui restait qu'à devenir ministre de la Santé. Accueillons M. Régent Hébert. Bonjour. Bon, première chose, je tiens à m'excuser. J'ai une grosse barbe, je suis quelqu'un de pas rasé. Hein? Mais d'habitude, je suis plus clean que ça. Là. OK. Ouais, mais je vais vous expliquer une chose parce que le lendemain de Noël, j'ai pogné une petite grippe. Oui. J'étais allé à l'urgence, je suis sorti hier. Fait que c'est ça. Est-ce que t'as été vu au moins? Ben, j'ai pas eu le temps. J'étais dans la liste. Il en restait 15 ans avant de moi. Qu'est-ce que vous voulez? Bonne année, monsieur le ministre. Ben, bonne année, bonne santé. Hey, ben oui, c'était assez important ce temps-ci. Gros début d'année le ministre Hébert. Oui, une épidémie de grippe. Ben oui. Début d'année. Gastro, urgence qui déborde. Même l'ancien ministre Bolduc, il est pas fin avec vous. Pas rien qu'un peu. Il est pas fin. Puis il m'appelle par mon petit nom en plus, même à l'Assemblée nationale. C'est vrai? Ouais. Arrêtez donc. Ben oui. C'est un gars de Saguenay. Il m'a dit que j'étais incompétent même à l'Assemblée nationale. Je le sais, hein? Mais est-ce que c'est vrai que vous êtes incompétent? Ben, on vous a là, on peut vous poser la question. Ben, je pense que non. Parce que moi, j'étais là depuis quelques semaines lorsqu'il m'a traité d'incompétent. Ouais. Alors que lui, il est là depuis 5 ans, puis il n'a pas changé quoi que ce soit dans les urgences au Québec. Alors, je ne suis pas sûr que sa compétence. Mais personne ne le traitait d'incompétent. C'est ça. Fait qu'à quelque part, il peut l'aider. Les gens sont polis avec lui. Vous pensez. Est-ce que c'est le fun d'être ministre? Parce que là, justement, là, vous avez plein de dossiers. Je veux dire, j'ouvre la télé, je vous vois plus que le docteur va de bon cœur. Ben, c'est pas normal, ça. C'est passionnant. C'est un travail passionnant. Pour moi, là, qui a été clinicien, là, qui a vu des patients, qui a fait de la recherche sur l'organisation des services de santé. Ouais. J'ai été doyen d'une faculté de médecine, alors je connais un peu la formation médicale et tout ça. Et là, d'arriver en poste au ministère de la Santé et d'avoir des leviers pour vraiment réorienter le système de santé pour s'adapter à la réalité du 21e siècle, là, qui est une réalité où il y a plus de personnes âgées, plus de maladies chroniques, et il faut absolument avoir cette réorientation-là. C'est passionnant. Et vous êtes gérontologue? Oui. Vous vous spécialisez chez les vieux? Alors toi, toi, t'as pas encore l'âge. Non, c'est ça. Mais ça doit aider, ça, être gérontologue, t'arrives au PQ. Mais il y a beaucoup de jeunes au PQ. C'est un vieux parti, ça gère mieux, j'imagine. Oh, un vieux parti. C'est ce que les gens disent. François oui. Legault, arrête pas de dire que c'est un vieux parti. Il nous l'a dit ici, on le croit. Mais là, on va poser la vraie question. Mais depuis qu'il est parti, le parti s'est rajeuni, par exemple. Là, il t'a pas si vieux que ça, Frank. Enfin, il tweet pis tout. On va se poser la vraie question. Qu'est-ce qui se passe avec cette grippe-là? C'est la H3N2, donc du blanc, ça avance. On vient de donner des points de plus, la H1N1. Vous l'aviez pas vu venir, celle-là? Oui, on l'avait vu venir. Ça paraît pas. Ben oui. Parce qu'on savait que c'était un nouveau virus en Amérique du Nord. Mm-hmm. Et il avait fait rage en Australie l'année passée. Donc, on est tout le temps en arrière de tout le monde. Hein? Toujours. Ouais. La grippe, ça vient toujours d'abord dans les pays de l'Est et ça s'en vient. C'est vrai. Et c'est comme ça qu'on est capable de prédire les souches qui vont être dans le vaccin. On regarde ce qui se passe en Australie et on sait que l'année suivante, ça va être les souches qui vont faire rage au Québec. Et donc, on prévoit le vaccin en fonction de ce qui s'est passé l'année précédente. Donc, le vaccin, est-ce que c'est le Tamiflu? Non, c'est pas le Tamiflu. C'est pas le même. Ça, c'est le vaccin. Le vaccin, là, on essaie de prédire les pires souches de grippe et le H1N2, bonne nouvelle, il est dans le vaccin de cette année. Okay. Et là, on savait que c'était la première fois qu'on était exposé à cette souche-là. Donc, il allait frapper plus fort et plus tôt. Puis, quand on dit plus tôt, ça veut dire au lieu de début février, ben c'est mi-décembre. Puis, qu'est-ce qui arrive pendant le temps des fêtes, tu penses? Les gens s'embrassent. On s'embrasse. On prend les bouteilles d'eau des autres. Mais vous savez, depuis que j'ai pris la bouteille d'eau de Fred, je stresse bien raide, mais je suis assez content d'avoir deux médecins. Ça fait des années que j'ai pas eu de grippe. Là. C'est vrai? Oui. Qu'est-ce qui vous aide comme ça, Fred? Ben, je me fais pas vacciner. Ah! On a entendu parler des urgences qui sont, pour certaines, à 200% de capacité. Il y a des gens qui attendent de 2 à 3 jours à l'urgence. Puis on comprend qu'il y a eu une épidémie de grippe, mais le conseil, c'est quoi? Pourquoi on va à l'urgence quand on a la grippe? On n'est pas mieux rester chez nous, prendre un petit bouillon de poulet. Quand on a une grippe, même une grippe d'homme, là, qu'une grippe qui est traitée, ça dure 7 jours, puis pas traitée, ça dure une semaine. Bon, c'est encore vrai. C'est quoi le meilleur des deux, c'est quoi, là? Alors, c'est encore vrai. On reste chez soi, hein? On se repose d'abord pour que le corps puisse se défendre. Uh-huh. On s'hydrate bien, on prend des analgésiques pour les douleurs pour la fièvre. Et là, lorsque on a des symptômes qui durent, avec de la fièvre qui va recommencer, avec des douleurs thoraciques, avec des difficultés à respirer, là, on doit aller consulter, pas nécessairement à l'urgence. Ça m'intéresse. Alors, on va où, là? On va soit dans des cliniques réseau, des groupes de médecins de famille qui offrent des sans-rendez-vous. On va dans ces cliniques-là parce que à l'urgence, c'est là qu'on peut attraper ou donner des microbes. Alors, c'est important. Mais c'est spécial, c'est important d'éviter ça parce que, justement, ça peut être une source de propagation. Donc, on essaie d'éviter l'urgence. Mais pourquoi les gens ne comprennent pas ce message-là? Ça me semble clair. Là. Vous me l'expliquez, j'irai plus. J'irai pas à l'urgence, c'est sûr, mais pourtant, les gens y vont. Est-ce que les gens sont tatas? Je pense qu'il faut redoubler d'ardeur. Ouais. Il faut redoubler d'ardeur pour expliquer aux gens okay. ça. Pour ben là, on gens. Vous donne du temps d'antenne. Ouais. Là. Puis on manque des grands-mères puis des mères qui nous disaient ça quand ben on oui, était je sais plus ben. Jeune. Ben, alors, il faudrait qu'ils recommencent à nous dire ça. Mon père, il me donnait un verre de scotch. Ah ouais. Tu te disais que la grippe, je l'avais plus. Ben non, je comprends. Non, mais c'est, je tombais c'est vanou. Ça, c'est comme les ponces. Hein. Ouais, non, c'est ça. La ponce de gin, ben, ça guérit pas la grippe, mais ça la rend drôlement plus agréable. Ben ouais, voilà. Ben ouais, ben ouais mais... Allez pas à l'urgence, allez dans les SAQ, c'est voilà. plus simple que ça. C'est la même poche. Cela dit, vous êtes un des rares ministres de la Santé, ou futurs ministres de la Santé à l'époque d'une campagne électorale, qui ne promettait pas de réduire les temps d'attente dans les salles d'urgence, justement, alors que, par exemple, la CAQ promettait une attente de à peu près 4 heures pendant les élections. Est-ce qu'on est en train de se dire qu'on a mal voté, nous autres, là? Ben, écoutez, moi, ce que je dis, c'est que le problème, il est à l'hôpital, puis il est à la salle d'urgence, mais la solution, elle est à l'extérieur de l'hôpital. Donc, c'est un peu vous. La solution, elle est au niveau de l'accès à la première ligne, ouais. l'accès aux cliniques, au groupe de médecins de famille et aux médecins de famille mm-hmm. lui-même. Elle est dans la prévention, parce que c'est surtout des maladies chroniques qu'on a. Ces maladies-là, ils se préviennent. Ça veut dire que si on agit sur la prévention, si les gens cessent de fumer la cigarette, si les gens s'alimentent mieux, si les gens pratiquent de l'activité physique... Oui, hein, ça, il n'y a pas de problème. Alors, on va avoir moins de maladies chroniques. Puis bon. Le troisième élément qui est extrêmement important, c'est qu'on a chaque jour au Québec là, 1100 lits d'hôpitaux qui sont occupés par des personnes âgées qui attendent une place dans un CHSLD. Ouais. Pourquoi? Parce que le CHSLD, c'est la seule option. Quand tu as une personne âgée en perte d'autonomie puis qu'il n'y a pas un proche aidant qui est prêt à se désarmer... C'est à cause des vieux que ça va pas bien. Qui est prêt à se désarmer pour te donner des services, la seule option, c'est le CHSLD. Pourquoi? Parce qu'on ne donne pas des services à domicile. Si on donnait des services à domicile, ça permettrait aux gens d'avoir vraiment le choix de rester à la maison, puis... d'avoir des services et de ne pas utiliser le CHSLD. Et là, les CHSLD seraient disponibles pour libérer les lits d'hôpitaux. Est-ce que vous avez avoir, vous allez avoir le temps de tout faire ça dans votre premier mandat de 12 mois? Je pense qu'il va être plus long que 12 mois. La taxe santé, ça, c'est un autre dossier qui a été bien géré. Ouais. C'était une des promesses de votre gouvernement de la retirer. Ouais. Et là, non, finalement, vous ne la retirez plus. Ben, on l'a retirée... Quoi? Nuançons. On okay. l'a retirée pour beaucoup de gens. Ouais. Okay? Pour les gens qui ont un revenu net de moins de 42 000, ouais. okay? elle baisse de moitié. Ouais, ouais, non. Alors, quand Mais même... elle baisse, on ne la retire pas. Oui. Mais ben, donc, je lis vos promesses de campagne. Mais oui, mais sens, les citoyens, ouais. nous ont élus minoritaires. Bon, oui. il y a des conséquences à ça. Ça veut dire qu'on ne ouais. peut pas faire tout ce qu'on veut. Il faut être, ouais. Avoir l'appui d'une partie de l'opposition ouais. si on veut être capable de faire passer notre budget. Et là-dessus, on n'a pas été capable, dans un premier temps, dans un premier budget, de remplir cet engagement-là complètement. Mais il y a plus de 4 millions de Québécois qui vont voir la taxe santé soit abolie, soit réduite ouais, de moitié. Mais, alors ça, c'est important. Mais là. La mienne, elle augmente. C'est pour ça que j'en mais parle en que mal. C'est parce que tu gagnes trop cher. Oui, non, c'est ça. D'ailleurs, on entend des coups... Ils vous payent trop bien, Radio-Canada, je trouve. Oui, mon Dieu. Non, c'est pas Radio-Canada qui me paye bien. Je fais des pubs de... Non, c'est pas vrai. Ah, okay. là, on va se laisser, mais on va aller rejoindre tout à l'heure le docteur Vadeboncœur. On va parler de d'autres affaires de médecine, là, comme on aime ça ici. Mais j'ai une dernière question à vous poser avant de se quitter. J'ai une rougeur, j'ai une petite rougeur à la hanche. Moi, je fais beaucoup de piscine et je me demande si c'est le chlore qui me fait ça. Puis qu'est-ce que je devrais faire pour... Là, il faudrait que vous parliez au docteur Vadeboncœur parce que, comme je le disais tantôt, t'as pas l'âge pour être un de mes patients. Ah, vous êtes gérontologue, c'est ça, vous, hein? Bon, il faudrait que je donne cette maladie-là à un vieux. Fred, avez-vous la même chose? Vous restez avec nous, merci beaucoup. Oui, avec plaisir. Je ne sais pas si vous avez vu la pub d'Oxfam Québec qui met en vedette l'humoriste André Sauvé, qui aide le Burkina oui. Faso, je pense. Oui. Eh bien, aider les pays pauvres, hein, c'est bien beau. Et on en a une nouvelle, une publicité qui aide cette fois-ci Haïti. On écoute. Attention, je suis rendu niaiseux. Depuis que j'ai lu les tweets de Don Cherry sur Twitter, j'ai comme plus le goût d'aller en Haïti pour les aider. Avant, je trouvais que c'était cool d'aider les plus pauvres. Mais là, j'ai comme réalisé que crime, ça nous rapporte pas, ces affaires-là. Comme le dit Cherry, on donne des millions à ce pays-là pendant qu'on attend 10 heures dans les urgences ici au Canada. C'est sûr que les urgences, c'est de compétence provinciale, mais Don Cherry, lui, c'est plus une incompétence fédérale. Ça va faire le développement durable. On veut du développement rentable. Il est temps qu'on s'occupe du temps d'attente dans les urgences pour que Don Cherry se fasse soigner. Et là, ça doit être le début d'année qui me fait oublier mes bonnes manières. Je vous ai pas offert de bière, docteur. Est-ce que vous en voulez une? Oui. J'ai quatre sortes. C'est la Boréale, vous choisissez. Vous êtes capable d'ouvrir toujours? Oui, c'est une IPA bien bonne. Ben, il faut qu'on continue, nous. Comme tout le monde, hein, il a été malade comme un chien. Il a même passé ses vacances au lit. Il aurait donc pu prendre sa semaine de congé, mais non. Non, son professionnalisme et son amour du travail bien fait ont eu raison de sa terrible H3N2. Il est donc avec nous pour débuter la nouvelle année. Vous l'avez reconnu, c'est votre préféré. Le surdoué, le très séduisant et celui qui écrit ses présentations, Jean-Sébastien Girard. Bonne année, Jean-Sébastien. Ah, bonne année, mon bon Jean-Philippe. Comment allez-vous? Hey, que ça va bien. J'ai pas la grippe, j'ai rien. Hey, que j'ai été malade, hein? Ah, vous, mon Dieu, vous toussez comme un damné. Oui, j'étais quasiment en consomption. Une expérience, en revanche, qui m'a hautement humanisé, Jean-Philippe, oui. Et qui m'a donné envie de faire un peu comme Chantal Lacroix, de donner au suivant. Oui. Alors, je vous explique. J'ai su que vous receviez deux docteurs aujourd'hui à l'émission. Mm-hmm. Je dois vous dire que je trouve ça limite indécent de voir deux docteurs faire les clowns sur votre plateau quand on le sait. Le Québec se meurt dans les urgences. Oui. Alors, j'ai décidé de me pointer ici, à l'urgence de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, dans l'est de la ville de Montréal, et d'offrir à trois patients qui en arrachent bien gros des consultations rapides, gratuites, en direct, avec les docteurs qui sont présents sur votre plateau. Bon. Parce que c'est bien beau de devenir ministre ou d'animer des programmes à la télé pour les retraités en après-midi, mais encore, faut-il soigner sa population? Alors, j'ai cherché des malades. Étonnamment, j'ai pas réussi rapidement à les trouver. Bon, j'ai rencontré des gens sur des civières là, qui venaient de faire des AVC ou des syncopes, mais d'emblée, ils voulaient pas participer à mon jeu. Je me suis dit, mon Dieu, que les gens manquent d'humour, ils peuvent pas être malades. Alors, j'ai finalement choisi des gens qui représentent bien les parias qui encombrent nos urgences avec leurs maladies niaiseuses. Et j'ai trouvé Denise, Yves et Andréa, qui ont respectivement une gastro, une grippe et une douleur à la poitrine. Bonjour les malades. Bonjour, bonne année. Bonne année. Bonne année, je vous souhaite de vous rendre au bout de cette année-là. Alors, vous savez combien de temps vous attendez ici, vous? 3 heures. 3 heures et vous? 3h15. Eh mon Dieu. Mais c'est fini cette attente-là parce que dans quelques minutes, avec Jean-Philippe, on va jouer au docteur et vous allez même choisir lequel des deux docteurs vous allez préférer pour exposer vos mots. Alors on vous revient dans quelques secondes, Jean-Philippe. C'est tellement une bonne idée, Jean-Sébastien. Je le sais. Vous écoutez La Soirée est encore jeune, animée par Jean-Philippe Gauthier sur les ondes de la première chaîne, une émission qui, contrairement au hockey professionnel, ne s'excuse pas quand elle rit du monde. Eh bien, il n'a pas été malade pendant le temps des fêtes. Il s'est ressourcé. Il est avec nous ce soir, Fred Savard. Oui, on va se le dire quand même. Hein, je me suis ressourcé, mais c'est une année 2013 qui commence bien mal. J'ai même pas eu le temps de finir de digérer la dinde du jour de l'an, mais surtout les infâmes bouchées apéritives de pâte philo fourrées aux épinards douteux achetées chez Costco. Que j'apprenais cette semaine que des jeunes filles de partout à travers le monde s'automutilent pour que leur idole Justin Bieber cesse de fumer du pot. Vous avez sûrement vu la chose passer, oui. Arrêtez. Les médias se sont emparés de l'affaire. On a interrogé des spécialistes. Le phénomène serait grandissant, mais attention, loin de moi l'idée de juger de ces jeunes gens, surtout à une époque où tout est cool tant que c'est sur les médias sociaux et où le jugement envers autrui est invariablement considéré comme de l'intimidation. Mais j'aurais quand même tendance à vouloir leur dire humblement qu'au lieu de tenter d'empêcher un jeune chanteur rachitique de consommer cette drogue douce qui pourrait certainement l'aider à mettre un peu de chair autour de ses os, ces jeunes personnes devraient peut-être essayer d'en fumer un peu de pot en attendant de se trouver une meilleure raison pour se taillader le cubitus. Bon. Parce que franchement, tant qu'à s'automutiler, aussi bien le faire pour les bonnes raisons, je crois que c'est une règle de base du savoir-vivre. Et pour ma part, c'est bien le hockey professionnel qui me donne furieusement le goût de m'auto-mutiler. Ah oui? J'ai secrètement espéré que ce conflit ne se règle jamais. Je sentais même que mes concitoyens s'étaient enfin débarrassés de leur préfixe pour finalement se rendre compte que le hockey nourrit en pleine phase depuis que la Ligue a plus que 6 clubs. Je pensais naïvement que les gens en avaient finalement soupé de cette culture moronique qui glorifie la brutalité, qui glorifie le français chimpanzéesque, qu'on malmène la bouche pleine de liquide vaguement houblonné et de fast-food à l'emporte-pièce 8 fois trop cher. Question d'essayer inconsciemment de se convaincre que c'est trippant de voir des petits gars, même pas de chez nous, dumper une rondelle dans le fond d'une zone encerclée de bandes aux publicités criardes. Peut-être une phrase? Mais non! Les gens ne se peuvent plus de vouloir faire la queue pour se faire entuber le samedi soir entre 7h et 10h, ce qui nous garantira en plus d'être ensevelis de nouvelles insipides sur le hockey, ce sport simiesque jusqu'au mois de juin, et ce, même sur nos augustes ondes. Bon. Étrangement, certains trouveront que je suis peut-être méprisant envers les fans de hockey. Ouais, peut-être. Et bien sûr, c'est faux! Puisque moi-même, j'ai déjà été un fan fini de hockey, mais vraiment fini. Ah oui? C'était en 79, j'habitais la ville de Québec. Les Nordiques venaient d'arriver dans la LNH. J'étais un garçonnet à lunettes de 8 ans et je ne vivais que pour le hockey. Mais j'ai grandi depuis et j'ai surtout déménagé de Québec, me libérant ainsi de deux tares. Malheureusement, j'ai l'impression que nous avons encore collectivement 8 ans et en plus, nous n'avons toujours pas déménagé. Et les lunettes, on les porte encore puisque nous sommes visiblement incapables de voir plus loin que le bout de notre nez. Ah. Et Mais qu'on ne vienne pas me dire que je déteste le hockey parce que ce sont des millionnaires qui jouent pour aider d'autres millionnaires qui ne patinent pas à s'enrichir, puisque je sais très bien, depuis que le PQ est au pouvoir, que les millionnaires sont extraordinaires pour une collectivité. D'ailleurs, Vautier, vous êtes vous-même millionnaire et je suis très gentil avec vous, n'est-ce pas? Multimillionnaire. Si le sport est l'opium des peuples, le hockey est probablement le crystal meth du peuple québécois. Un sport qui nous auto-mutile collectivement. D'ailleurs, ce n'est sûrement pas un hasard que la maxime du Canadien de Montréal prétend que nos bras meurtris vous tendent le flambeau, hein? C'est-à-dire? Eh bien, je vais le prendre, le flambeau, et m'allumer un gros joint jusque la saison se termine. Oh, Fred Savard. Vous avez sorti votre plume en début d'année. Oui, parce que oui. Ben oui. On retourne discuter avec l'ami Jean-Sébastien. Jean-Sébastien? Ah, Jean-Philippe, toujours devant l'urgence de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, où je vais donner la chance à des gens qui attendent ici depuis des semaines de consulter un de vos médecins présents en studio. Et je commence avec un beau cas typique de gastro-entérite. Je suis avec Denise. Denise, bonjour. Bonjour. Bon, alors, j'imagine que vous restituez comme une donnée puis que ça sort parler de vous comme une champlure. Évidemment, j'ai le goût de vous dire, ma pauvre enfant, qu'est-ce que vous faites ici? Vous n'avez pas le scorbut. Appelez donc le 811 puis restez à la maison. Mais évidemment, je ne suis pas docteur. Vous allez avoir la chance de choisir le docteur avec qui vous voulez parler. Alors, ici, je vous ai apporté des photos. Vous avez le petit ministre Hébert. Voilà, lui, il soigne surtout des vieilles personnes. Et le docteur Alain Vadeboncœur qui soigne le cœur, mais il doit connaître les autres maladies. Lequel vous choisissez? Pas de bon cœur, je le connais, il est bon. Oui. Ben. Malheureusement, il n'est pas encore sur le plateau, alors vous allez vous contenter du ministre. Alors allez-y avec votre question de gastro. Mais je voulais, moi, pas de bon cœur. Il va être là un petit peu plus tard, madame. Alors allez-y avec votre gastro. Ben, je suis malade comme un chien, j'étais à la pharmacie, puis la pharmacie, elle me dit, ben là, il faut que ça passe, c'est bien beau, mais je suis malade comme un chien, tu sais. Qu'est-ce qu'on fait quand on est malade de comme un chien, docteur Hébert? Ben, il faut bien s'hydrater surtout, c'est ça l'enjeu, c'est que lorsqu'on on évacue beaucoup de liquide, il faut essayer de boire par petite quantité et essayer de pouvoir se réhydrater, je pense que c'est la clé. Et lorsqu'on n'est pas capable de se réhydrater parce qu'on vomit aussi, ben là, c'est une raison de consultation qui est fréquente d'ailleurs dans nos salles d'urgence. Ouais, faut utiliser la voie veineuse, Jean-Sébastien. Bon. Ah, c'est ça. Ou vous pouvez appeler au 8-1-1, ils vont vous donner une petite solution avec du sel et du jus d'orange. C'est ben. Bon. Je vous remercie beaucoup, Denise, d'avoir été avec nous. On vous revient. Merci beaucoup. Bonne chance, Denise. Avec les douleurs à la poitrine de Yves, mon bon Jean-Philippe. Merci, Jean-Sébastien. À tout de suite. Fred, notre deuxième invité. On l'a connu comme animateur de l'émission Les Docteurs sur nos ondes, mais il a écrit aussi un blog et des livres, et parfois, il soigne des gens. Accueillons le médecin Alain Vadeboncœur. Hey! Deux docteurs sur notre plateau. Docteur Vadeboncœur, merci d'être ici avec nous. Ben, ça me fait plaisir. On l'a entendu, c'est la catastrophe dans les urgences. La catastrophe, c'est un grand mot, par exemple. Oui, ben, je peux faire ça plus vite. C'est le chaos, on va dire. Le chaos, c'est plus court. C'est plus court. Mais c'est pas le chaos non plus, quand même. Non, il y a beaucoup de cas de grippe. Les urgences sont encombrées. Ça allait un petit peu mieux ces derniers jours. La grippe, c'est difficile, mais c'est quand même pas le chaos. Là. C'est beaucoup de patients à soigner. C'est dur pour les gens. Là. On le disait justement tout à l'heure, docteur Hébert est gérontologue. Vous êtes un peu plus apte à répondre aux questions de notre belle Denise. Mais j'ai trouvé que ses réponses étaient quand même bien conçues. Ah oui, conçues, absolument. De faire de la médecine. Absolument. Malgré tout, c'est intéressant. Ça. Mais là, évidemment, vous êtes urgentologue à l'Institut de cardiologie de Montréal. Ouais. Ouais. Et justement, on se demande, la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce que vous faites ici à boire de la bière que je vais vous offrir immédiatement? Est-ce que vous voulez une blonde? Oui, ça va être une blanche, finalement, je n'ai pas de blonde. Ouais. Justement, qu'est-ce que vous faites à la télé, à la radio? Est-ce que vous préférez faire ça que... Aimez-vous ça, vous, coudonc, faire de la médecine? J'adore la médecine, mais faire de la télévision, donner des conseils, c'est la moitié de ma job, même à l'urgence. Ouais. Hein? Les gens me posent des questions, ils sont inquiets, ils ont peur de mourir, ils ont ci, ils ont ça. Il y en a beaucoup là-dedans qui ne sont pas nécessairement si malades que ça. Puis moi, ma job, c'est souvent de leur expliquer, de les rassurer. Sauf que je le fais un à la fois. Hein? Ouais. Peut-être voir quelques dizaines de milliers de patients dans ma vie de médecin. Là, je donne des conseils à 150, 200 000 personnes. Alors, vous exagérez, j'ai eu les BBM, là, c'est un petit peu moins. Non, mais des fois, ça va si loin que ça. C'est sûr que les feux de l'amour nous donnent beaucoup de difficultés, mais quand même. Ben oui! Non, mais c'est vrai, c'est ça. C'est dur à traiter, les feux de l'amour. Hein? Mais donner des conseils à beaucoup, beaucoup de gens maintenant, puis c'est ça que les gens me disent quand ils viennent me voir. On apprend beaucoup de choses. Ça fait partie de ma job de médecin. Vous avez animé plus de 300 émissions des docteurs depuis que c'est en onde? Pas vraiment, parce que 300, c'est jeudi prochain qu'on va l'avoir animé, ça va faire 300 effectivement dans une semaine. Mais 300 émissions, on parle de quoi dans la 300e? On parle parce que je me rappelle d'avoir vu vos deux premières semaines, vous parliez déjà de vaginite. Je me disais, il y en a eu beaucoup, ça va. Mais on va poigner le bout de l'eau. On répond aux questions des gens. Ah, OK. On reçoit 700 courriels à peu près par semaine, puis on monte des émissions à travers ça. Donc, les questions, il y en a tout le temps en médecine. Il y en a tout le temps. C'est presque infini, la médecine. Mais là, il y a toujours des sujets. On vient d'apprendre que ça va prendre fin ce printemps. Ah oui, c'est triste. Ça fait seulement une saison, donc. Non, ça fait 3 saisons. Arrête. 3 saisons. J'étais sûr que c'était off des ondes depuis des années. Non, c'est encore là. Mais c'est à 4 heures l'après-midi. Hein. C'est pour les gens à la maison. C'est ça, c'est moins moi. C'est les gens qui sont malades. Mais moi, mais moi, je suis triste pour les gens parce que les gens me disent c'est presque notre seule source d'information. Ouais. Hein? Et donc, ils apprennent des affaires. Là, ils vont avoir moins. C'est plus difficile pour des gens, surtout les personnes âgées. Aller sur Internet, essayer de trouver la bonne réponse, c'est pas toujours évident. Mais en même temps, c'est 4 docteurs qui vont recommencer à pratiquer. C'est un gros plus pour le système de santé. On pratique tous. Mais on pratique tous quand même. Oui. Je veux dire, moi, j'ai jamais arrêté de pratiquer. Mais ça vous fait des semaines de fou. C'est ce que ma femme dit. Ouais, ça fait des grosses semaines. Vous avez une femme? Oui, absolument. Ouais. 3 enfants aussi. Est-ce que vous vous rappelez à quoi elle ressemble? Absolument. Oui. J'étais avec elle il y a 1 heure à peine, on prenait un café. Mais là, vous allez justement sortir des ondes au printemps. Vous allez faire comment pour rejoindre les gens que vous aimez t'en rejoindre, justement? Ben écoute, il y a d'autres façons. Il y a Internet quand même. Moi, j'ai un blog. Il y a des livres et on les voit. Dans la clinique, on rejoint les patients. C'est ça notre métier, de faire ça. Mais effectivement, moi, je pense que ça va manquer. Je pense qu'une voix pour parler aux gens avec des conseils simples, compréhensibles, je pense que ça va manquer. Et il devrait y avoir d'autres choses. Ben justement, je vois que vous, non seulement vous aimez pas la médecine au point de faire de la TV tous les jours, mais vous écrivez aussi. Vous avez écrit une pièce de théâtre, Sacré-Cœur, avec Alexis Martin. Oui, qui se passait dans une urgence, d'ailleurs, la pièce de théâtre. Est-ce que c'était le chaos comme c'est en ce moment? C'est jamais le chaos, l'urgence. Le but d'un urgentologue, c'est d'organiser le chaos. Hein? Des fois, effectivement, c'est très compliqué, c'est très dur. Mais notre métier, c'est de faire en sorte que les gens s'en sortent, passent à travers ça et ressortent de l'urgence ou soient hospitalisés. C'est ça, la job. Mais justement, vous avez écrit, vous avez fait paraître Privé de soins, qui est un essai sur le système de santé. Je ne sais pas si le docteur Hébert l'a lu. Oui, il me l'a donné. Il m'en a donné une copie. Est-ce qu'il n'a même pas eu besoin de le payer. Ah. Il me l'a pour vrai? En plus, on sait que je l'ai soudoyé. Ah, pour vrai? et là, la question, évidemment, c'est est-ce que le docteur Hébert a aimé ça? Ben oui, c'est un excellent livre. D'ailleurs, moi et Alain, on partage beaucoup, beaucoup de. Ah, vous êtes des amis? Ben non, on est des amis. On se connaît. Et on se connaît et on partage. On a une communauté de pensée. D'ailleurs, Régent a signé co-signé 2 des textes qui sont dans le livre parce que c'est des lettres ouvertes qu'on avait faites paraître en 2008 et en 2011, je pense. Donc, effectivement, Régent a beaucoup de convictions par rapport au système de santé qui ressemble au mien. Je suis d'accord avec ça. Justement, si on veut juger l'histoire un peu, là, il y avait une ancienne ministre de la Santé qui n'a pas fait une job super le fun, puis d'ailleurs qui a traîné un peu le système de santé du Québec un peu dans la boîte. Pauline Marois. Mme Marois, vous la connaissez, M. Hébert? Oui, mais... Est-ce qu'on peut juger... Je trouve que tu charries. Non, mais... est-ce qu'elle a vraiment causé de graves problèmes, comme plusieurs prétendent? Là, tu parles, en fait, des coupures qu'il y a eu. Écoute, un ministre, c'est toujours un ministre dans un gouvernement. Et un gouvernement peut avoir des orientations, à mon avis, qui sont contraires aux convictions du ministre. Moi, je pense même avec Dr Bolduc, il y a eu de ça. Ouais. Par exemple, je pense que Dr Bolduc était plutôt contre les PPP, mais les PPP, c'était dans le plan du gouvernement. Ouais, ouais. Donc, je pense qu'un ministre fait partie du gouvernement. C'est ça qui fait probablement la difficulté de la job et des fois, doit aller un peu contre ses convictions. Mais il faut aussi juger un ministre par rapport à l'époque dans laquelle il a été. Ouais. Pauline Marois était à une époque où, croyez-le ou non, on s'attendait qu'il y ait un surplus de médecins à ce moment-là. Ah oui, on n'avait pas vu venir le changement de génération où maintenant, les jeunes ont une plus grande préoccupation entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle, puis c'est bon. Mais ça fait en sorte que là où il fallait 2 médecins, il en faut 3 maintenant. Alors, personne n'avait vu ça venir. Personne n'avait vu venir également le phénomène pour les infirmières où on se trouvait dans un problème de blocage au niveau des jeunes infirmières qui sortaient des écoles. Ouais. Ils trouvaient pas de place dans le réseau de la santé. Et c'est pour ça qu'il y a eu une décision de mettre à la retraite des infirmières pour faire de la place pour les plus jeunes. On était à cette époque-là. Vu d'en arrière, de 15 ans en arrière, ça a l'air drôle comme décision. Mais à cette époque-là, c'était une décision qui faisait consensus. Même les partis d'opposition, à ce moment-là, étaient d'accord avec cette décision. Mais 15 ans, ça fait pas si longtemps. Qu'est-ce qui nous dit que la direction que le docteur Hébert, que le ministre Hébert prend est la bonne décision ou si dans 15 ans, on va se rendre compte que les vieux, finalement, c'est pas si important? Les vieux, c'est les personnes âgées, c'est la question fondamentale qu'il va falloir résoudre d'ici 10, 15, 20 ans. Puis Régent, justement, avec sa formation et son expérience, est à la bonne place. Mais comme je te dis, on jugera aux actes. Et moi, je fais partie d'une organisation, Médecins québécois pour le régime public, qui est favorable à certaines idées. Puis on va juger aux actes. Il y a des choses qui peuvent être faites rapidement. Mm-hmm. Par exemple, actuellement, on pourrait couvrir la radiologie partout au Québec et améliorer beaucoup le système. Ça, c'est un geste qu'un ministre comme Régent Hébert doit faire. Et on va le juger à l'acte. Et est-ce qu'il va le faire, le ministre Hébert? Il est en train de travailler là-dessus. Ah bon, ben, vous en parlerez jusqu'à d'ici la fin de l'émission. Vous restez avec nous. De toute façon, vous avez des consultations à faire, là. Fred, présentez-nous notre prochain chroniqueur. Il a mangé de la teinte dans le temps des fêtes, mais il recommencera maintenant à manger du jambon pour le plaisir de nos oreilles. Voici la chronique d'Olivier Niquette. Olivier, oui. Je vous dis, je vous ai pas offert de bière. Oui, vous? Elle est là. Ah oui? Elle est là. Ah mon Dieu. Je suis chaud. Parlez-nous de votre début d'année, Olivier. Ben oui, ben assez difficile de suivre l'actualité cette semaine à cause de l'éclipse médiatique causée par la fin du lock-out de la LNH. Ouais, ben oui. On n'a donc rien su de tous ces sujets importants qui n'ont pas été abordés à l'antichambre de RDS. Entre autres choses, on n'a pas pu entendre Régent Breton, prof retraité de l'Université Laval, qui avait pourtant un message fort important à livrer à notre jeunesse amorphe et analphabète. Il faut posséder les mots, il faut être capable de débattre. Le meilleur débat qu'on puisse avoir, c'est du plus et du moins, c'est de la nuance, c'est beaucoup de faits, beaucoup de démonstrations, mais ici, tout est hyper simplifié. Les riches, c'est pas bon, vous êtes exploités, on n'est pas des animaux, on va pas commencer à se concurrencer. Ben oui. Ben oui, c'est important de posséder les mots, par exemple, animal au pluriel, ben c'est animaux. Ah ben oui. Mais ce qu'il faut surtout retenir de la leçon du prof Breton, c'est l'importance de la nuance et de l'opinion informée, et il sait de quoi il parle puisqu'il a dit tout ça sur les ondes de Radio X. L'éclipse médiatique nous a aussi fait manquer l'histoire du maire de Saint-Bruno qui a une petite tendance à abuser des forces policières. Ben oui. Comme Sylvain Bouchard l'a expliqué au FM 80, le climat délétère qui sévit au Québec se fait sentir jusque dans nos banlieues cossues. C'est comme les carrés rouges qui aimaient pas Charest ou le monde qui aime pas le maire de Saint-Bruno. Dans quoi il est impliqué, je m'en sac. Il y a des règles. Ben, au Québec, en 2012, les règles ont disparu. C'est l'anarchie, puis c'est vulgaire. Puis c'est une vingtaine de membres du regroupement de citoyens pour la sauvegarde de la forêt des Hirondelles. Ben, moi, des oiseaux. La forêt s'appelle la forêt des Hirondelles, mais... Des oiseaux, la forêt verte. Oui, oui, c'était une fable de la forêt verte, mais à place de notre ami le grand ours, on a mis ça sur le dos du panda anarchiste qui casse tout. Mercredi, Régent Tremblay était bien fâché d'une lettre ouverte dans le journal La Presse où une certaine madame se désolait que les amateurs passent l'éponge devant les enfantillages des millionnaires du hockey. J'aime pas, moi, cette espèce de ton... hyper cliché, là, qui, avec, elle a écrit juste avec une main parce que l'autre, lui, elle se pince à le nez. Je trouve que c'est méprisant, moi. Penses-tu qu'au Sandbowl, il gagne pas plus cher que Carey Price? C'est que, voyez-vous, cette madame hautaine, hyper cliché et méprisante, trouve que les joueurs ne jouent que pour le cash et... Il me semble que j'ai lu ça quelque part. Ah oui, c'est ça, Richard Martineau dans le Journal de Montréal du même jour qui disait « Vous êtes sûr que les hockeyeurs que vous applaudissez ont de l'estime pour vous, mais dans le fond, c'est pas vrai, tout ce qu'ils veulent, c'est votre fric. Faut croire que Régent ne lit pas les chroniques hautaines, clichés et méprisantes de son propre journal. » Terminons avec un sujet dont on n'a presque pas entendu parler à cause encore de la maudite éclipse, soit la grève de la faim de Teresa Spence. Ouais. Derrière sa noble cause se cache, semble-t-il, un passé douteux de gestionnaire que l'on pourrait comparer à... Ben à quoi, hein, Jérôme Landry? Ils viennent nous conter la vraie histoire, puis c'est pas beau, là. Il se passe exactement sur les réserves autochtones, ce qui peut se passer dans certains pays un peu tout croche en Afrique, là, avec un genre de dictateur au haut de l'échelle, puis les gens qui crèvent de faim au bas de l'échelle. Oui, sa seule différence d'avec Idi Amin Dada, c'est qu'il était un peu cannibale alors que Teresa Spence ne mange que du bouillon de poisson. D'ailleurs, là, Spence ne fait pas vraiment une grève de la faim, hein. Elle veut juste perdre ses petits bourrelets. Éric Duhaime. Puis bon, la regarder, on dit OK, on peut comprendre qu'effectivement, elle sentait le besoin d'aller sur une queue d'amaigrissement. Ça, c'est un choix personnel. Un choix personnel qui a inspiré à Dominique Moret un surnom affectueux. Il y a une multitude de chefs indiens au Canada qui gagnent plus cher que Stephen Harper, alors qu'il gère des réserves de 1000 personnes. Tu sais, l'histoire de la Pocahontas au double menton qui mange de la soupe et qui nous fait croire qu'elle va mourir, tu sais, ça n'a pas de sens, là. Voilà, voilà, Mobutu, reine obèse d'Attawa-Piscate. Un beau portrait dans la plus pure tradition des leçons de nuance et d'opinion informée du prof Régent Breton. Une prédiction pour finir, Canadien ne fera pas les séries. Bon, merci Olivier. La campagne de promotion du nouvel album d'Annick Jean a fait beaucoup jaser cette semaine. Oui. Et pas vraiment pour les bonnes raisons. Heureusement, une voix s'élève pour défendre la jeune chanteuse, Kevin Gosselin de la radio X Jazz. Vous écoutez Radio X Jazz, la radio qui swing, toujours du même bord. Vous êtes toujours à l'écoute de l'émission des airs d'Arien, Kevin Gosselin au microphone pour les 14 prochaines heures. Et j'aimerais en profiter pendant que j'ai un peu de temps pour saluer la belle campagne de promotion d'une chanteuse magnifique, hein, Annick Jean. Les médias socialistes ont tenté de l'intimider ces derniers jours. On le sait, au Québec, le talent, on n'aime pas ça. Annick a eu la bonne idée d'envoyer des communiqués menaçants aux chroniqueurs culturels, mais malheureusement, ces gens-là n'ont pas d'humour puisque ce n'était qu'une façon originale de promoter son prochain album intitulé Schizophrène. On peut s'attendre à ce qu'il tente de détruire sa carrière, comme ils l'ont fait pour tant d'autres, mais heureusement, Annick Jean a tellement de tatous qu'elle pourra toujours se recycler en publiant des livres de recettes. Et justement, pour rendre hommage à ses tatous, je lui dédie la prochaine pièce, I've Got You Over My Skin, sur les ondes de Radio X Jazz, le 91, blanc. Il sonne comme vous, Kevin Gosselin. Des fois. Ben oui, on aurait dit. On va aller retrouver Jean-Sébastien Girard. Jean-Philippe, toujours devant l'urgence de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. C'était au tour d'Yves, hein, qui avait mal à la poitrine, de parler à nos docteurs en studio. Mais malheureusement, il devait faire une angine de poitrine bien sévère parce que tu veux quitter assez rapidement. Je pense qu'il est allé rejoindre le petit Jésus. J'ai bien de la misère avec ça, parce qu'évidemment, ça me fait un intervenant de moins. Cela étant, on n'est pas en reste. Je me trouve présentement avec André E., qui vient se faire soigner à l'urgence. Ouais. On se demande ce qu'elle a de grave. Et non, elle n'est pas cul-de-chatte, elle n'est pas un pied beau. Elle a simplement une grippe. Bonjour, André. Bonjour. Oui, j'ai une grippe de cheval. Là. Mmh. Une grippe de cheval. Alors, on n'a pas de vétérinaire, mais vous avez deux ici médecins que vous allez pouvoir choisir. Alors, le très populaire Alain Vadeboncœur et le petit ministre Hébert. Vous avez des photos ici. Lequel vous choisissez pour votre consultation? Monsieur Vadeboncœur. Ah, bon ben choix. Là. C'est un bon choix. Oui, oui, il m'inspire confiance. En plus, il est drôle. Oui, ah! Drôle, hein, drôle dans quel sens? Ben, il est drôle à son émission. Ah, c'est ah, ouais, ça, ça, ça rassure. Ah, ouais, ça ah. rassure. Moi aussi, je suis drôle, par exemple. C'est vrai, oui. Vous allez vous ça. Avoir aimé le bye-bye, vous, hein? Oui, oui. Ouais, ça, c'est ça. OK, alors, donc, posez votre question au docteur Vande. Oui, quand on est à la limite, ça fait 7-8 jours qu'on est grippé, on fait de la fièvre, ça tousse, ça mousse, on ne peut plus dormir, on ne peut pas prendre de sirop parce que médicament pour l'hypertension, on prend quoi? Ben, on se soulage avec de l'acétaminophène, du Tylenol, ça marche à bonne dose. Des fois, l'ibuprofène, qui est un anti-inflammatoire. Oui. Et on garde le lit, mais à 7-8 jours, s'il n'y a pas de complications, on devrait être vraiment sur la fin de la grippe. Ça, c'est peut-être la bonne nouvelle, madame. Oui. Ah. C'est donc, la fin? Ben, ça dure 7-8 jours d'habitude. Ben, c'est une bonne nouvelle. Bon! Ouais, une bonne nouvelle. Ben, je vous remercie beaucoup. Ben, ça fait plaisir. Vous n'avez pas de problème de cœur? Vous n'avez pas de problème cardiaque? Je l'avais dit qu'il était rassurant. Ah, ouais, vous savez que son émission vient pas, hein? Arrêtez ça. Bon, écoutez, c'est tout pour moi. Moi, je vous retrouve dans quelques minutes. J'ai envie de montrer des rougeurs aux deux médecins qui sont là. Et je souhaite évidemment à tous les auditeurs beaucoup de santé pour 2013. Merci, Jean-Sébastien. À tout de suite. C'est un service public qu'on a. Oui, tu vois, ça rassure les gens, même à la radio. Ben, oui, donc, regardez. Ça marche, faire de la médecine par les médias. On souhaite quand même qu'elle ne retourne pas chez elle et qu'elle pogne encore une plus grave maladie, par exemple. On le souhaite. Oui, on le sait. on se le souhaite, parce que les avocats vont avoir de la job. Fred, présentez-nous notre prochain chroniqueur. Notre correspondant parlementaire devrait avoir une année encore plus chargée qu'en 2012, ce qui nous assurera des chroniques incisives et jouissives sur nos élus. Voici Jean-Philippe Cipriani. Bon! Bonsoir! Hey, je vous obje... Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Vous êtes bien bon dans Trauma, vous, hein? Celui qui a pas de feu, là. C'est ça, oui. Il joue James Hyndman, je pense. Oui. Je vous offre jamais de bière. Je vous offre jamais de bière, mais là, on est en 2013. Écoutez, est-ce que vous en voulez une? Je prendrais une blanche. Ah, j'en ai plus, je pense. Oh, ah oui, il m'en reste une. Je la voyais. Elle est chaude, chaude. Hey, merci, hein, bon. C'est fin. Est-ce que vous avez hâte que la session parlementaire recommence? Ah, j'ai hâte. Écoutez, ça va être un grand cru pour moi, 2013. Ah oui? D'ailleurs, je commence déjà. C'est dans deux semaines à Ottawa, dans un mois à Québec. Là, ouais. Je suis déjà en train de préparer des poules puis des jeux de bière là, avec les fautes de syntaxe de Justin Trudeau et les prochains reculs du gouvernement marois. Alors, Ouais, ça, par exemple, ouais. Pas d'alcool fort avec le gouvernement Marois. Non, non, non, effectivement. Ouais, ouais. Mais là, vous avez pas peur que le ton acrimonieux vienne encore tout gâcher? Là, en effet, parce en que... effet. Puis je pense qu'il est important, là, surtout dans une émission comme celle-ci, là, qui se veut un phare dans une mer de cynisme et d'acrimonie, là, c'est important de montrer l'exemple puis de choisir le respect, hein, d'éloigner le mal. Voilà pourquoi j'ai épluché les 11 pages des propos non parlementaires de l'Assemblée nationale, les mots interdits, finalement. Vous connaissez ça, vous? Oui, j'en connais quelques-uns. Ah, juste quelques-uns? Oui. Ah, ben là, je vous répondrai. Tu viens de démontrer que tu connais pas du tout tes dossiers, là. Vas-y, Alma. Non. Total incompétent. Vous êtes en train d'imiter un ancien ministre. Ben, c'est ça, c'est l'exemple. C'est prêché par l'exemple. En fait, c'est ça. Ça, c'est le genre de trucs qui sont pas permis à l'Assemblée nationale. Notamment, on n'a pas le droit de jouer au bonhomme 7 heures. Ça, c'est interdit. Pas le droit de traiter quelqu'un de ticoune. Alors ça, c'est une atteinte quand même à notre patrimoine québécois, ben je pense. Vous n'avez pas le droit de traiter les gens de bébé, tête de slinky, clown, fin néant, deux piques, girouette nationale, nono, gorlot, hurluberlu, hypocrite, imbécile, incompétent, loser, malade, marionnette, peddler, poltron, yes-man, cheap. Incompétent, vous n'avez pas le droit? Non. Mais même pas le droit de dire qu'il y a quelqu'un qui est minable, ce qui exclut toute motion sur Gérard Depardieu ou Annick Jean quand même. Et même pas le droit de dire vire capot, même si Bernard Drainville veut les empêcher de changer de parti. Aïe, alors quand aïe, même, hein. Aïe, aïe. Ouais. C'est une véritable omerta, cette histoire-là. Oh, seconde, là, vous n'avez pas le droit non plus. Omerta, c'est pas un mot permis. D'ailleurs, Anna Angélil a fait retirer le mot de tous les dictionnaires du Québec depuis le film. Et je vous le demande, vous, tu sais, comment est-ce qu'on peut s'exprimer quand on peut même plus vomir à l'Assemblée nationale depuis 1991, le mot est interdit. Ah oui? On peut plus citer Molière parce que les mots fourberie, tartufferie, c'est interdit. On peut plus être petit, hein? Petit gouvernement, petit ministre, petite politique, petit ami. On peut pas non plus. C'est interdit. Même Raymond Bachand est plus petit. Ça arrête. Non! on peut plus dire rase-motte non plus, mais là, je vous laisse penser à qui vous voulez. Oui. mais qu'est-ce qu'on a le droit de dire? Non, mais j'y viens. Attendez, là, Françoise David a pu même plus lancer ses insultes horribles et méchantes en débat parce que, attention, on peut pas accuser quelqu'un de faire le fanfaron. Hein? C'est pas permis, ça non plus. Pas d'amis non plus. Amis du régime, amis malhonnêtes, appuyer ses amis. Tout ça, c'est interdit, ce qui revient à interdire Facebook, finalement. Oui, c'est ça. Depuis 95, vous le saurez, on peut plus donner, on peut pas dire l'expression « boucher de Charlebourg », ce qui, en clair, favorise clairement ceux de Beauport et de Sainte-Foy. Je sais pas pourquoi. C'est écoutez, bizarre. Cacher, camoufler, c'est interdit. Cachère, on a encore le droit, ça a l'air. Ah. Et puis, et Pauline Marois ne peut plus non plus donner de coups de pied au cul, ni avoir du culot, ce qui est quand même très, très dommage. On peut pas se comporter non plus comme un chien de poche ou comme une carpette, à sa gare notamment. Ah. Bref, finalement, le vocabulaire de l'Assemblée nationale, c'est de la novlangue. Ça veut jamais dire ce qu'on croit que ça promet. C'est un peu comme les expressions fine cuisine et serveuse sexy, d'ailleurs. Ouais. OK, mais là, on a le droit de dire quoi, là? En fait, avec l'interdiction du verbe reculer de toutes ces déclinaisons à la reprise de la prochaine session, toutes les interventions vont se limiter à la phrase « Monsieur le Président ». Comme quoi, on peut bien interdire le mot « ridicule » aussi, mais dans la pratique, là, ça ne s'élimine pas vraiment, non? Merci, Jean-Philippe. Merci énormément. Eh bien, c'est déjà tout pour ce soir. On vous invite à rester à l'écoute dans quelques minutes. C'est le cabaret Plus on est de fous, plus on lit, suivi de Bande à part, animé par Alex Courteau. Merci à toute l'équipe. Fred Savard, Olivier Niquette, Marie-Claude Bocage. Même pas vrai! Elle est même plus là, Marie-Claude. C'est notre réalisatrice, mon Dieu. On s'ennuie tellement. Jean-Sébastien Girard, Valentine Sicotte, Jean Gagnon, Steve Côté, Philippe Robert. J'ai un gros merci à nos invités de ce soir. Régent Hébert, vous restez en santé. Vous avez de la job. Ben oui. Ben j'espère. C'est une belle job. Ouais, vous prenez... ben oui, vous avez une grosse job. Fait que prenez des ibuprofène. Non, j'ai pas de mots de taille. Non plus? OK, non. Parce qu'on prenait ça quand même au cas où. Docteur Vadeboncœur, on vous attend sur grand écran. Vous préparez un film, paraît-il. C'est vrai, ça? Ben, il y a un projet comme ça autour de la pièce Sacré-Cœur qui avait roulé en 2008-2009. Ben, on vous attend sur grand écran. C'est probablement pas moi qui va jouer dedans. Mais vous rassurez puis vous rendez de bonheur à plein de dames, là, on a ça entendu fonctionne, ce soir. Hein? Ben oui. Hein, et quant à nous, vous nous réécoutez sur notre site web. Notre balado est disponible. Et si vous voulez assister à l'émission, on enregistre jeudi prochain, 17h, nos invités Léopold Lauzon et le ministre de l'Environnement Yves-François Blanchet va venir nous rejoindre. Ici Jean-Philippe Vautier qui vous souhaite de profiter de cette soirée qui est encore jeune.